Yo, ici c'est Strasbourg Day and Night. Mais peu importe d'où tu viens, moi-même parisien tombé à Strasbourg depuis des années, je viens représenter cette cité. Mais on me parle de capitale européenne. Ils sont bien loin de tout ce qu'ils avancent. Qu'ils donnent plus la parole à leurs citoyens. Strasbourg, j'y suis, j'y reste. Et toi, t'en penses quoi de ta ville? Dis-moi où tu vis, en tout cas chez moi ma ville sent pas la rose. Et si ce sont eux au pouvoir, leur politique nous rend moraux. Je te dis que leur fleur est fanée. Et ça me fait vraiment quelque chose de juste faire briller le centre-ville et laisser les quartiers sans osmose. Les décors de Noël chaque année ça les fait mousser. T'en trouves qu'aux abords du tramway mais plus dans la rue d'à côté. Comme une visite guidée pour friquer, le décor est marqué. Quand on file de la cité, ce n'est plus ce que c'était. Impossible de leur parler, sinon ton cas tu vas l'aggraver. Même pour demander ton chemin, ils pourraient aussi t'embarquer. Passer une heure la nuit dans les rues, c'est l'heure du balai. Des voitures rouges et blancs dans l'avenue, des bleus dans les allées. C'est l'heure de rentrer chez toi pour eux de passer le coup de balai. Ils ont fait la même aux Don Quichotte parce que ça les dérangeait. Ils ont fait la même aux indignés parce que ça les offensait. Ils feront la même que sous le régime Pétain si on les laisse continuer. Je chantais, souhaite force et courage aux habitants de ma cité. On appelle Strasbourg. Crie joie et pleurs, ils sont mêlés. Je chante encore et encourage les vrais acteurs de ma cité. Yo, à tous les gens qui font vivre cette ville avec de réels projets. En gros, si t'es Strasbourgeois, c'est ferme ta gueule si t'es pas bourgeois. Ton abonnement, la parole, elle sera jamais pour toi. Même en réunion avec le maire, ils font comme dans un hip-hop battle. 2 minutes suffisent pour ton problème, puis le MC te stoppe ma gueule. Si tu touches les points sensibles, boum, moi, Washi, c'est toi qui débloque. Ils disent que tout a été mis en œuvre pour sauver ton bloc. On leur manque pas grand-chose, à eux ainsi qu'au préfet. Mais tu peux te gratter avec ton projet, car leur budget est fait. Ils louent un Zénith à 300 000 pour la fête des agents. Combien de personnes ils pourraient reloger avec tout cet argent? Arrêtez de penser qu'à vos gueules, car la jeunesse n'est pas dupe. Vous la laissez traîner dans les bars. S'éclater et crier sans but, ça vous arrange? Contrôle de masse bien rangé comme des petits moutons. Les établissements ferment à 6h mais seulement ceux de leur religion. Ils l'avaient promis à tous, mais toi ton peuple populaire ça les dégoûte. Les trois cartos snob font les boss mais du respect rien à foutre. Je chantais, souhaite force et courage aux habitants de ma cité. On appelle Strasbourg, crie joie et pleurs, ils sont mêlés. Je chante encore et encourage les vrais acteurs de ma cité. Yo, à tous les gens qui vivent de nuit comme de jour et partagent la culture. C'est l'alcool, la coca flow qui balance pour les petits minets. Rien pour te faire réfléchir, juste de quoi ramasser la monnaie. Se fout de tenir les gens, plus t'es déchiré, plus tu craches, c'est vrai. Y'a même un jeune qui s'est noyé après une de ces soirées, c'est vrai. Alors toi, tes potes, tes projets, pas la peine de venir pleurer. Tous les pubs populaires, les salles de danse ainsi que les MJC, les associations locales, sociales contre la pauvreté. On s'est tous fait niquer dans le contrat, ils avaient pas précisé. Strasbourg, capitale européenne, vous me faites marrer. Vous faites quoi pour vos résidents, étudiants dont vous vous vantez? On droit au tapis rouge, seuls les parlementaires et députés. Ah, j'oubliais quelques ponts de la juxioniste communauté. À l'époque de Trottmann, faisiez plus pour tous les quartiers. Vous ne pensiez pas qu'aux coupes de touristes bedonnants et bien friqués. Vous ne pensiez pas qu'aux jeunes et cervelés avec leurs comptes blindés. Vous étiez proche des gens et vous ne passiez pas sur Stras TV. Je chantais, souhaite force et courage aux habitants de ma cité. On appelle Strasbourg, crie joie et pleurs, ils sont mêlés. Je chante encore et encourage les vrais acteurs de ma cité. Yo, à tous les gens qui font vivre cette ville avec de réels projets.